de l'Angola au Zaïre. On ne voyage par la pensée. Elle est près de moi, mais m'a déjà quitté. Bambou, dans tes commotions, c'est...